Il est 10h sur la Radio Parfaite. Dans Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui la chorégraphe Dominique Brun. Dominique Brun, bonjour. Bonjour, bienvenue David Christoffel. Sur la Radio Parfaite. Nous allons évoquer votre travail sur Nijinsky, on peut dire de reconstitution, alors justement on ne peut pas dire de reconstitution, on va peut-être dire pourquoi, et du répertoire qu'il a pu travailler, du nouage qu'il a pu avoir avec les musiques de Debussy, de Stravinsky. Vous avez commencé par le Sacre du printemps ou par le prélude d'un après-midi d'un foule ? Par le prélude. Par le prélude. Et alors pourquoi ce point de départ ? Pour des raisons chronologiques ? Non, parce que c'est plutôt le lien avec les danseurs avec lesquels je travaillais, qui étaient les danseur du quatuor Albrecht Knust. C'est un quatuor d'interprètes danseurs qui s'est réuni pendant une dizaine d'années autour des années 90, donc de 93, 94 à 2003, 2002, 2003, 2004, selon chacun d'entre nous à sa propre version du commencement et de la fin. Dans ce quatuor, on a visité plusieurs œuvres du répertoire à partir de la notation Laban. Mais qu'est-ce que le texte de danse note à ce moment-là ? Et en fait, ça note une espèce de carcasse, en fait, de ce qui pourrait être le mouvement. Alors, la notation Laban, utilise en fait un signe, qui est un rectangle, qu'elle va poser donc sur différentes colonnes, en fait, d'une portée qui se lie verticalement. Et en fait, on va lire donc du temps, de l'espace, et on va se rajouter à cela la force motrice pondérale qui est inhérente au lecteur, donc avec laquelle il va falloir qu'il gère, qu'il deal, qu'il produise son mouvement. La notation Laban est une espèce de texte qui note ce qu'on voit, non pas ce que le danseur ressent, mais ce que le notateur perçoit par la vue de ce qui se montre. Es brennt mir unter Beinen, fühlt mich auch schon auf heißen Schnee. Ich möchte nicht wieder atmen, hole bis ich nicht mehr die Türme sehe. An jedem Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen warfen Bell und Schlosen auf meinen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und Schlosen auf meinen Hut von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit. Deinen blanken Fenstern sangen die Lerch und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell. Und als ein Mädchen Augen blühten, da war's geschehen um dich gesellt. Und als ein Mädchen Augen blühten, was geschehen um dich gesellt. Kommt mir der Tag in die Gedanken, wenn ich noch einmal rückwärts ziehe, möchte ich zurücke wieder wanken, vor jedem Hause stille stehen. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch einmal rückwärts sehen. Möcht ich zurücke wieder wanke vor ihrem Hause stille stehen. Möcht ich zurücke wieder wanke vor ihrem Hause stille stehen. Vor ihrem Hause stille stehen. Ça veut dire que dans cette façon de travailler, la musique intervient finalement assez tard. Ah, vous faites d'abord une espèce de collecte du répertoire de gestes qui ont déjà été affectés à telle partition. Tout à fait. C'est vraiment, on met en place, ce que dirait mon ami Christophe Vavelet, qui était l'un des membres fondateurs, on met en place des scènes de gestes. Le fait est que malgré tout, la musique est là tout de suite, parce que ces petites pièces, par exemple, de Curtius et Doris Humphrey, sont souvent assorties de musique qui appartiennent au répertoire classique ou romantique, comme du Chopin ou... bon, il y a des choses plus pointues, il y a du Malipiero, je me souviens plus très bien sur les deux thèmes extatiques, c'est Nicolas Metner. Donc voilà, c'est étonnant parce qu'on peut trouver des choses très différentes. Il y a une danse de Doris Humphrey qui est aussi une danse de souffle, donc sur laquelle il n'y a pas de musique. Enfin, entre guillemets, il y a la musique des souffles. Et nous, on avait conçu ces danses de papier, donc le premier programme, avec des musiciens. C'est-à-dire qu'on avait justement Sébastien Vichard ou Yumi Otsu, qui étaient deux pianistes qui nous accompagnaient. Et on a même travaillé avec l'ensemble Entretemps, dirigé par Hassan Arbi, qui nous ont accompagnés sur certaines représentations. Il n'y a pas eu beaucoup, mais voilà, c'était quand même considéré comme des espèces de concerts de danse. On reprenait un peu la tradition d'ailleurs du Judson, où il y avait vraiment à l'église, dans la Judson Church, un certain nombre de gens qui venaient se produire, et souvent ils mélangeaient musique, danse, peinture. Voilà, c'était vraiment... Le deuxième programme va être, on va travailler avec Jean-Jacques Palix, hein, qui lui va nous faire une espèce de collectage de sons très très différents. Ça va aller de musique de Ike et Tina Turner jusqu'à des choses vraiment très très différentes. Que j'ai plus tout à fait en tête, mais enfin des années 60-70, qui correspondent vraiment à l'émergence de la danse de Yvonne Rainer, le continuel projet altéré quotidiennement. Et pour la pièce de Paxton, on est dans une pièce qui s'adresse à 40 non-danseurs, qui est en fait une pièce qui se passe sur un plateau, où on voit évoluer des gens de jardin à court, c'est-à-dire quand on regarde la scène de gauche à droite. Et ces gens ont une petite partition très simple. Il y a un danseur qui sert de timekeeper, qui est un... caché en coulisses, mais qui donne à chaque participant son temps d'entrée. Et ensuite, le participant, une fois qu'il est sur le... il devient danseur, entre guillemets, il devient performeur. Il a lui-même sa partition et il la travaille. Bon, c'est une marche, il est censé marcher, s'asseoir éventuellement, se relever et sortir de scène. Donc c'est très simple, mais c'est un dispositif magnifique où on voit véritablement la singularité de la marche. Le dernier programme va arriver à Nijinsky. Et... il y a donc une partition qui sort dans les années 90, qui est une traduction en système Laman, le système qu'on pratique tous les quatre, de la partition autographe de 1915 de l'après-midi d'un faune de Nijinsky. Parce que Nijinsky, en fait, a appris, quand il était danseur en formation au Théâtre Marie à Saint-Pétersbourg, un système de notation qui s'appelle le système Stepanov. Et donc il va, Nijinsky va noter l'après-midi d'un faune. En 1915, il est obligé de rester en Hongrie dans sa belle famille. Et pendant les quelques mois où il est assigné à résidence, il va noter l'après-midi d'un faune. C'est-à-dire, il prend la partition de Debussy et il écrit dessus, ou lui, il prend des feuilles toutes neuves et... Non, il prend du papier à musique. Ah, du papier à musique. Quand même. Et il met en regard, bon, ce qui est compliqué, c'est qu'il l'invente, parce que le système Stepanov est un système qui se cantonne quand même plutôt à la notation des pieds, des pas. En général, en classique, il y a une certaine forme de synchronisation entre les mouvements déclenchés par les trajectoires proposées par les jambes et les bras. Si on va sur le côté, qu'on fait une glissade, on a tendance à ouvrir les bras aussi sur le côté en partant par une première position qui est un mouvement de bras arrondi devant soi, on ouvre les bras sur les côtés. Donc il y a une codification comme ça qui permet finalement de ne noter que les jambes. Or, Nijinsky renonce à tout ce vocabulaire que lui propose la danse classique au profit justement de la mise en jeu de la marche Et donc, évidemment, le système va être très étriqué pour lui. Donc, il va beaucoup le renseigner de manière différente. Il va rajouter des lignes. Il va imaginer la possibilité d'intégrer les mouvements du tronc. Il va pouvoir rajouter des lignes supplémentaires pour indiquer les bras, les doigts, les inflexions de la tête, etc. etc. Et finalement, on note plus beaucoup les pieds. On note les pieds, mais c'est une marche. Donc, c'est une marche qui fonctionne sur le mode d'une espèce de volte-face qui va d'un côté à l'autre de la scène, et le faune se retourne subitement, toujours de manière assez prompte, en tous les cas d'un côté à l'autre. Il ne fait jamais face au public, le faune, ni les petites nymphes. Seule la grande nymphe va nous gratifier d'un regard. Par trois fois, elle va nous regarder, nous toiser et défaire ses voiles. Le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Alors, Dominique Brun, vous avez regardé la transcription que Nijinsky fait de sa propre chorégraphie en 1915 sur ce prélude. Mais s'il invente lui-même son système de notation, comment est-ce que vous l'avez déchiffré ? Ah, c'est pas moi. D'accord. C'est pas moi. Je le regrette d'ailleurs dans une certaine mesure parce que je... De pas être partie du hiéroglyphe, c'est ça ? Non. Ouais, c'est ça, exactement, de pas avoir découvert la fameuse pierre de Rosette et qui aurait permis que je déchiffre d'inventer le votre texte. Code, voilà. Oui. Mais deux chercheuses absolument vraiment passionnantes et qui ont fait un travail probablement de très haut vol et qui est très difficile à évaluer hein, puisque elles sont les seules à l'avoir fait ce travail-là. Donc Anne Hutchinson-Guest et Claudia Jeschke vont s'engager en fait dans les années 80 à une espèce de transcription de la fameuse transcription de sa propre danse de Nijinsky lui-même. Parce que Nijinsky, on ne peut pas vraiment dire qu'il note, on peut dire qu'il transcrit. Ça me semble un peu abusif que de parler de notation, c'est toujours un peu délicat. On est dans des opérations de traduction, on est dans mais des opérations... Mais c'était pour s'en souvenir lui-même ou c'était parce qu'il avait l'ambition que quelqu'un le refasse ? Je pense qu'il a une réelle ambition qu'il y ait de la suite, que ses œuvres aient une vie après lui. Parce qu'il l'écrit à Reynaldo Hahn, je travaille, je compose, et je cherche un système de notation. Bon, ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens. Je n'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir donner la citation exacte, mais il écrit qu'il voudrait produire un système de notation analogue à celui qu'utilisent les musiciens. Avec les limites, j'imagine, et les défauts que peuvent avoir ce type de système. Mais en tout cas, pour lui, c'est un vrai projet. Donc, quand il note le faune, je pense que c'est à la fois pour se rappeler, bien qu'il le note 3 ans après la création. Donc, on peut imaginer qu'il a déjà oublié aussi quel était son vœu initial. Je dirais que dans une certaine mesure, l'origine d'un projet est toujours à jamais perdue, même quand il y a une écriture qui surgit. Toute cette question, c'est... comment se déplace le désir au fur et à mesure de l'acte de la création ? Or, je pense que ce moment où il vient noter en 1915, 3 ans après l'écriture du faune, est un moment où il réinvente aussi, dans une certaine mesure, peut-être un peu son faune. Il le réinvente probablement pour le geste final, puisque le geste final a été jugé inconvenant. On l'a accusé de commettre un crime contre la grâce, à la fois du côté du faune, mais aussi du côté du sacre. Et je pense que quand en 1915, il a fait le faune et le sacre, il y a probablement un désir de laisser une trace qui ne reviennent pas forcément sur cette espèce, ce que le public a jugé comme étant une provocation, ce qui n'était pas du tout son intention à lui. Il est très meurtri par la réception des deux œuvres, le sacre et le faune. Comment est-ce qu'il se comporte par rapport à la musique de Debussy ? Parce qu'il a déjà inventé son propre langage chorégraphique. Est-ce que il s'infléchit parce que c'est cette partition ou... C'est difficile, je ne sais pas répondre. Parce qu'en même temps, c'est une musique qui le révèle, enfin, c'est difficile en fait, à démêler. Enfin, oui, faut-il ce qui est démêler, difficile, mais... c'est que... Ce qui est difficile, c'est que... Enfin, ce qui me vient immédiatement, c'est la critique très, très acerbe de Debussy, qui considère sa musique comme extrêmement... presque mallarméenne. Hein, puisqu'il l'écrit sur l'invitation de Mallarmé, il écrit son prélude avec le projet d'en faire d'autres, de faire d'autres parties qu'il ne fera jamais, mais il y a probablement chez Debussy une volonté d'être dans une certaine forme de symbolisme musical. Je ne sais pas non plus, parce que je parle un peu à la place de Debussy, et je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a dans le symbolisme, dans cette idée debussiste, cette analogie, ce déplacement de cette vision littéraire, symboliste littéraire, l'idée de procéder sur le mode d'une espèce d'ondulation, d'une chose musicale qui serait toujours ondoyante, souple, ininterrompue, continuelle, extrêmement enveloppante et circulaire. Nijinsky arrive dans cette écriture et il va produire une gestuelle qui est extrêmement anguleuse. Alors évidemment, je pense que là, il y a une mécompréhension de la part de Debussy, qui ne s'attend pas du tout et qui connaît probablement la danse telle qu'elle est représentée à l'époque, c'est-à-dire comme la danse classique. À Paris, Isadora Duncan, Eloï Fuller et quelques, quelques autres artistes de music hall. Je pense que la danse n'a pas réellement pignon sur rue encore. Et donc, ce que Debussy peut voir sont des choses qui, finalement, sont assez sur le même mode, il me semble. Donc, Non, mais ça permet une superbe question, c'est-à-dire qu'est-ce que, finalement, Debussy aurait pu, dans la gestuelle de Nijinsky, détester de ce que ça révélait de sa musique ? C'est ça, exactement. Exactement. Moi, c'est exactement comme ça que je le vis. Et ma réponse immédiate, ce serait le fait que c'est... J'ose pas le dire, mais que c'est bavard. Qu'il y a dans cette espèce d'archi-virtuosité de la courbe, c'est quelque chose qui est dans cette espèce de volubilité, je dirais presque le goré de la musicale, quelque chose qui revient tout le temps, qui ne s'interrompt jamais. Or, Nijinsky va problématiser immédiatement une certaine forme d'angularité et l'immobilité. En fait, il va donner à la musique de Debussy un souffle extraordinaire. Il va venir casser, justement. Visuellement, quand on regarde l'après-midi d'un faune sur la musique de Debussy, on goûte quelque chose d'une apnée qui, finalement, va très très bien à cette musique. Mais qui serait presque aussi une preuve qu'il y a une débauche d'énergie presque superfétatoire, là où on peut imaginer quand même que pour le compositeur, c'était simplement une volonté d'avoir une forme très belle. Oui, sûrement. Mais elle est très belle d'ailleurs. Elle est très belle. Elle est très très belle. Ça, c'est pas à remettre en cause. Mais sauf que là, justement, Nijinsky dit très bien que lui aussi travaille pour le beau. Non pas ni pour le joli, ni pour le gracieux, dit-il, ni pour... Il dit « je travaille pour le beau, tout le reste tourne autour, moi je travaille pour le beau ». Donc le beau de Nijinsky, le beau de Debussy, c'est pas le même. Et ça prouve bien que le beau est toujours une chose qui est à atteindre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va toujours se dérober, ça n'a pas de sens. Finalement, on pourrait peut-être traduire « beau » par « désir ». C'est-à-dire cette chose, évidemment, qui n'est pas la même pour chacun de nous, mais qui l'emmène en tous les cas. Et personne ne sait quoi faire du joli, ça c'est sûr. Ah ça c'est clair, ça c'est clair. Ni Debussy, ni Nijinsky à là-dessus, cet égard, oui, ils oui. sont d'accord. La chorégraphe Dominique Brun est jusqu'à midi sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Il y a un moment de ce prélude à l'après-midi d'un faune de Bussy que vous affectionnez particulièrement, Dominique Brun, c'est l'entrée des petites nymphes. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup l'entrée après, donc ce moment d'évolution en fait, qui correspond aux deux premières minutes de la partition de Debussy, qui est un moment où les petites nymphes rentrent en fait dans le faune est immobile sur son rocher, et les petites nymphes rentrent dans l'air de jeu, qui va devenir l'air de jeu avec le faune. Ou l'air de Diane Aubin, si je puis dire, hein, parce qu'il y a quelque chose quand même, pour moi, dans l'après-midi d'un faune, qui m'évoque beaucoup les métamorphoses d'Ovide, et notamment le moment où Diane est surprise par Actéon. Donc il y a une chose très belle, elle rentre, alors que la musique déroule vraiment une espèce de trois temps, une chose très circulaire, justement, elle va rentrer en toutes les entrées vont se faire de manière binaire. Et donc, c'est très drôle parce que immédiatement, Lydia Sokolova, on parle, qui est donc une des danseuses du faune de l'époque, elle en parle de manière très belle. Elle disait que ramène des propos tenus, soi-disant, par Nijinsky. Elle disait que Nijinsky les incitait à entrer en ayant l'impression qu'elle franchissait les barres de mesure. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas justement se marcher entre deux mesures, qu'il fallait toujours qu'il y ait un moment le pas franchisse la barre de mesure. Et donc, c'est très beau parce qu'il y a quand même vraiment l'idée qu'il y a une transgression là qui se fait par rapport à cette imposition musicale. C'est-à-dire que la musique va donner un certain rythme, mais quand la danse arrive, visuellement, et on sait très bien quel est le pouvoir hégémonique de l'œil, visuellement, il y a quelque chose qui se fait de manière extrêmement puissante par la danse, qui est, d'accord, ça court un peu avec la musique, mais moi, je prends mon temps. Et ça s'énonce de manière beaucoup plus lente, dans une sorte d'émiole, où tout d'un coup, le pas de la danseuse est très régulier et trouve sa place parmi ce foisonnement ternaire. Voilà, donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est une des manières, c'est ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses pour ce qui va être ensuite mon travail sur le Sacre du printemps. C'est-à-dire, je me suis dit qu'il fallait être très savant pour être capable de noter ça. J'ai des souvenirs de mes petits cours de solfège où on me parlait de l'émiole et où j'essayais de comprendre ce que ça pouvait être. Et où je dois dire qu'avant de véritablement travailler par le corps, j'ai pas très bien compris ce que ça pouvait être. Ou plus exactement, je trouvais le mot très beau, mais j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à me l'expliquer. Et en fait, cette manière dont Lydia Sokolova se met à parler de ça, comme une chose, comme cette transgression assez incroyable, et cette lenteur finalement, et puis cette particularité d'un rythme visuel qui s'oppose au rythme sonore, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouvais qu'il y avait... Alors, il y a un autre moment dans le faune qui est très important, où Nijinsky montre beaucoup, beaucoup d'érudition en termes musicaux. C'est le moment où il fait coïncider exactement le saut du faune avec en fait une espèce de moment rythmique tout à fait incroyable de décomposition. Alors, je ne sais plus exactement à quelle mesure ça arrive, mais le faune se met à sauter et ses pas vont décomposer exactement le rythme proposé par la musique jusqu'à se retourner pour à nouveau bloquer la nymphe qui essaye de qui marche de sorte à pouvoir sortir de scène. Elle ne sort pas de scène puisque le faune lui barre la route à ce moment-là. Mais voilà, donc là, il y a un endroit où on voit bien qu'il est totalement, Nijinsky est totalement autonome par rapport à la musique. C'est dans l'entrée des petites nymphes où il arrive à générer un temps. Mais c'est une autonomie qui, en même temps, a une espèce de pouvoir analytique. C'est-à-dire que ça nous montre comment la partition fonctionne, si bien que ça l'empêche de suggérer, puisque finalement, le danseur reprend le pouvoir sur la suggestion. Complètement. C'est ça. Oui, c'est très très juste. Mais par ailleurs, il est capable de dire « le danseur va être exactement en redondance avec la musique ». Et cette redondance, à mon avis, accentue le fait que ce saut, qui est unique, alors que Nijinsky est réputé pour être un sauteur quand il est danseur, que ce saut, tout d'un coup, va devenir véritablement une chose à la fois visuelle et musicale, enfin, et sonore, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on voit le danseur comme on entend la musique. Et donc, dans cette opération où tout d'un coup les sens convergent, il y a une mise en évidence, une espèce de jaillissement de ce saut. C'est-à-dire que le saut, tout d'un coup, devient... il est comme stabiloté, surligné. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il émerge dans la rencontre entre les deux sens, que sont l'ouïe et la vue, que tout d'un coup émerge ce saut, qui vient donc appuyer la dimension transgressive du saut. Et non pas une dimension, si je puis dire, technique ou... comment on le dit, pour un sportif, c'est-à-dire... Athlétique. Mais ça veut dire qu'il a quand même besoin d'une partition qui est assez affranchie des codes académiques pour pouvoir faire ça. Dans quel sens? Il a besoin de, que le langage musical soit heurté par rapport à sa tradition pour qu'il retrouve une espèce de force comme ça, d'image... Enfin... Je ne suis pas sûre de saisir. Parce que, en fait, les moments de la partition que vous décrivez, vous les décrivez de façon... Enfin, il se passe quelque chose d'abstrait dans la construction musicale à ce moment-là. Oui, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, et 3, 2, 3, 4, 4. Voilà. Et le faune va faire la même chose. Il va courir, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, il lève les bras, 2, il se déséquilibre, 3, 4, 5, 6. 2, il saute, et c'est réception. 3, il passe la jambe, et 2, 3, 4, 4. Il avance et se retourne. Donc, il épouse littéralement cette espèce de modulation rythmique. À un moment où, franchement, pour le faire, il faut vraiment absolument comprendre ce qui se passe en termes rythmiques. Je ne sais pas si ça reprend exactement cette idée que vous énoncez. En tout cas, je ne sais pas exactement si ça traduit la modernité de Bussiste, s'il est capable d'en prendre la mesure. Ce que je pense que ça traduit, c'est la capacité qu'a Nijinsky à comprendre la complexité musicale. Alors que Stravinsky lui a reproché quand même d'être quelqu'un qui ne savait pas lire la musique. C'est trop compliqué au niveau purement de l'oreille que de suivre absolument une telle division. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer, par exercice de pensée, ce qu'il va chercher ou ce qu'il va trouver dans le Sacre du Printemps que Stravinsky n'aurait pas mis de façon complètement consciente? Ah, alors ça, c'est une super question, parce que c'est une transition magnifique. C'est effectivement, pour moi, ce qu'il va trouver, ce qu'il va emblématiquement chercher à représenter, c'est ce que Stravinsky ne fait pas, c'est-à-dire le temps tonique. Stravinsky, dans le Sacre, il est tout le temps en train de faire la fête, enfin si je puis dire, c'est-à-dire il est dans la syncope et hop, et hop, et hop, il est tout le temps en train de... Il y a quelque chose de guiré dans l'envolée ou le jongleur de balles, enfin on a l'impression qu'il est tout le temps en l'air et non pas dans la retombée des balles. Alors que Nijinsky, lui, il va véritablement, visuellement réintroduire systématiquement le temps tonique. Et il est obligé aussi, puisqu'il faut bien qu'il se repose sur scène avant de ressauter, c'est ça? Oui, mais on aurait pu imaginer qu'il ne saute, par exemple, que sur le 2 et le 4, oui. Quand on est dans une syncopation, entre guillemets, je ne sais pas si on dit ça comme ça, dans une syncope qui est effectivement... Oui, à peu près standard. Il aurait pu... donc, en fait, après, bon, voilà, c'est un parti pris aussi d'interprétation de ma part. C'est vrai que qui se fait à la croisée des documents sur lesquels j'ai travaillé pour le Sacre du Printemps. Mais ça m'a aidé de comprendre cette espèce de compétence qu'a Nijinsky vis-à-vis du temps, mais pas seulement une compétence de danseur. Il a une compétence musicale. Et je trouve ça très, très intéressant de penser que parfois, on peut essayer aussi d'aller chercher dans la compétence d'autrui plutôt que de penser qu'on va réinventer comme danseur le temps musical. Sinon que c'est une compétence qui n'est pas celle de l'autrui qui est le compositeur, oui. Mais d'encore un autre autrui. Exactement, c'est-à-dire un autrui qui serait entre deux, finalement, entre Nijinsky et Debussy, c'est-à-dire un autrui qui serait, on fait une œuvre ensemble, c'est une œuvre de collaboration, où se situe la possibilité d'aller vers une chose commune. Puisqu'on travaille tous les deux sur le temps, comment est-ce qu'on met en jeu le temps? Deux, trois, quatre, cinq, six, deux. 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 1. Quand vous travaillez en chorégraphe sur le Sacre du Printemps, vous devez compter et déployer des techniques de comptage qui, justement, supposent une espèce de compétence musicale qui n'est pas exactement une compétence de musicien. Mmh, c'est vrai, parce que je ne suis pas musicienne. Quelques rudiments de solfège, plutôt bien fait, je trouve. J'ai appris saute noire. Je trouvais ça très beau de dire saute noire au lieu de dire noir pointé, croche noire. Je trouvais que c'était très intelligent. Le saute noire me plaisait beaucoup. Et je pense qu'en fait, j'ai compris pas mal de choses grâce à cette... je crois que c'était la méthode Marteneau, non ? Quelque chose comme ça, il me semble. Enfin bon, bref. J'ai fait un peu de piano, mais on va dire que dans une certaine mesure, c'est grâce à l'après-midi d'Infaune que je suis vraiment obligée presque d'apprendre par cœur avec les autres membres du quatuor. Anne Collot, très bonne, elle est en musique, donc elle me guide, elle essaye de m'expliquer des choses que je ne percevais pas au départ, c'est-à-dire comment finalement... en fait, le danseur, souvent, quand il commence à travailler, a un peu tendance à suivre l'injonction musicale, mais il la suit sans vraiment la comprendre. C'est-à-dire, il essaye de maintenir une chose très mécanique, alors que la musique s'autorise de ralentir et d'accélérer. Et des fois, le danseur est complètement perdu, parce qu'évidemment, la musique a pris un petit chemin de traverse, alors que lui, il a continué bien, bien carré son tempo. Donc, Anne me disait souvent, écoute, là, tu vois, le 2, il est sur... on entend la flûte sur le 2. Donc, voilà, il faut aller jusque-là pour le mouvement. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, je me suis mis à mettre ça à profit pour moi-même, à apprendre par cœur la partition de Bussy, à savoir la compter, mais aussi à savoir la chanter. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur le Sacre, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de cette partition réputée monstrueuse, non pas une ennemie, mais une amie. Et que pour pouvoir éventuellement travailler dessus, il fallait que je me la mette dans la poche. Donc j'ai passé mon été à apprendre le Sacre par cœur. j'ai pas réussi à l'apprendre en un été, ça m'a demandé plus de temps, et puis il y a des choses que j'ai déjà oubliées. Mais il y a certains endroits où vraiment c'est resté très très fortement inscrit, notamment pour la danse sacrale, puisque je la performe encore avec Sylvain Prunonec. En tous les cas, on a inventé, alors je sais très bien que les danseurs sont dans des situations analogues à celles où je me trouvais, donc on a inventé un certain nombre d'outils. Alors, le premier des outils, ça a été de compter justement sur la version orchestrée, donc de rajouter une espèce d'enregistrement sonore des comptes pour que les danseurs entendent justement la musique en entendant quelque chose qui est du conte, comme un chant qui serait compté, qui est un peu aride, mais qui est quand même un chant qui vient se glisser dans le tiroir musical, enfin, qui épouse la cartographie musicale. Et puis ensuite, quand on a commencé à se lancer dans la glorification, la danse sacrale, là, je voyais bien qu'il allait quand même falloir essayer de rendre tout ça visuel pour les danseurs. Et donc là, j'ai eu l'idée une idée qui probablement aussi m'est venue par mes fréquentations. Mais en tout cas, je me souviens très bien m'être dit, il va falloir que je mette de la couleur là-dedans. Et donc, en fait, je me suis amusée simplement à écrire sur la partition musicale les comptes en dessous, en suivant véritablement l'organisation proposée par Stravinsky. Et puis, ensuite, j'ai pris des documents Excel et j'ai commencé à essayer de tirer horizontalement, en fait, des traits. Et j'ai donné des valeurs de couleur, en fait, aux mesures. Alors, par exemple, pour le début de la danse sacrale, ça fait 1, 2, 3. Donc, 3, ça va être rouge. Puis ensuite, ça fait 1, 2, donc c'est vert. 1, 2, 3, donc on retrouve le rouge. 1, 2, 3, on retrouve le rouge. 1, 2, 3, 4, ça devient marron. Et puis ensuite, il y a un moment, ça va devenir 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, 2, 3, 4, 5 est bleu, etc., etc. D'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que c'est comme ça que j'ai compris ce que Messiaen, les personnages rythmiques de Messiaen, avec les augmentations, les diminutions, j'ai compris très très tardivement, mais en regardant en fait ce qui disparaissait dans la construction, ce qui se rajoutait. Et donc, du coup, j'ai compris qu'effectivement, ça fonctionnait vraiment comme des... Alors, le mot personnage rythmique, j'ai toujours pas bien compris pourquoi il a utilisé ça, mais j'ai bien compris le système de montage. Jusqu'à midi, dans Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit la chorégraphe Dominique Brun. On rassemble le tout. On fait tout, non ? D'accord. Ah, mais oui. Mais surtout, faut vraiment qu'on fasse la fin, parce que c'est la fin, alors là, c'est plus qu'abstrait, c'est carrément hiéroglyphique, c'est le désert. Là, tu veux dire ? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pareil que... Ah non. Non, parce que là, il n'y a plus que des 2 et des 3. Parce que là, il y a comme des 6, t'as des trucs merveilleux. 15, 16. Oui, c'est vrai que c'est des richesses. Tu vas jusqu'à 21, des fois, tu te dis, oh, formidable, tu vois. Mais alors là, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. C'était fou. Ok, donc alors attends, donc nous en sommes. On refait les courses. On reprend ça. Le tremblement, le tour. Le tour. Ça. Et on enchaîne avec 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Et ça, tu m'as dit, attends, il faut que je me revoie à la fin de ça. Donc on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est ça, à la fin de la reprise. Oui, tu t'es arrêté. Non, ça s'arrête comment ? Si, c'est ça ? Tu sais, je vais te dire, je crois que... là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Oui. Et ensuite, je crois qu'elle le rabattait. Ah oui, ça. Voilà. Donc, il n'y a pas les deux derniers. Non, justement. Et du coup, fait. De là, elle descend. Ok. Donc, 1, 2, 3. Hop. Et voilà. Du coup, ça te permet de réinstaurer de l'immobilité. Et puis de... Et après. Et après, c'est la guimauve, là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, les deux fois. Ouais. Ensuite, et après, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Mais c'est, ce qu'il faut que tu penses, c'est à garder bien cette relation entre les coudes et la cage thoracique. Voilà, c'est ça. Super. super. Bon, après, tu as le droit aussi que ça s'ouvre et que ça revienne. Enfin, Tu as le droit, tu fais un jeu, mais c'est pas mal de garder cette idée de, tu vois, de relation assez ouverte du bras avec les coudes qui sont bien en relation avec le bas des côtes. Et donc ça, ça va jusqu'à 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 fois 5, 1, 2, 3, 4. Et après, c'est 1, 2, 2, 2, ça. 2, donc, mais 1, 2, 3, 4, 2. Donc je reste à temps. 1, 2, 3, 4, tu t'installes en extase, BH 11, voilà, ici, là, voilà. Attends, je suis là. Et de là, attends, parce que, donc, je suis tard, ici. Hein. Qui 1, 2, 3, 4. C'est encore l'indication, ça c'est l'indication de Valentine Hugo. Avec la tempête là, c'est ça? Et ça, les pieds ils sont plutôt parallèles? Ben oui, je pense que tu vas pas. Oui. Là, c'est comme un saut de chat, elle dit donc a priori. Sauf qu'il a dit qu'il n'est pas académique. Soit plutôt de ce côté en fait, oui. Avant de faire. Oui. Et là, en fait, il faut que tu sois comme ça. Voilà, c'est celui-là. Oui. Et de là, tu le transformes en... Voilà. Oui. C'est comme tu le fais, là, jusqu'à le monter comme un grand. Quand vous avez fait une espèce de retranscription de la partition de Stravinsky de cette façon-là, tellement centrée sur les contes, vous disiez tout à l'heure à propos de la transcription du prélude par Nijinsky qu'il cherchait à faire une notation qui arrive à rendre compte aussi des mouvements de bras, là où les notations précédentes étaient pas trop centrées sur les pieds. Quand on fait, pour le coup, une notation aussi arithmétique d'une partition, est-ce que au moment de la produire chorégraphiquement, ça, c'est pas un danger de retomber par trop sur ses pieds. C'est juste l'annonce du thème, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Moi j'adore les claquettes. Oui, puis il faut aussi beaucoup de bras pour faire des claquettes de toute façon. D'abord il faut beaucoup de bras parce que c'est des espèces de balanciers phénoménaux et il n'y a rien de plus merveilleux que les claquettes. Ah, je suis bien d'accord. Moi, tout ce qui est tap dance, alors ça va de Gene Kelly en passant par les tap dance irlandaises, c'est ma tasse de thé. Enfin, je peux regarder ça pendant des heures. Il existe des versions claquettes du Sacre du Printemps ? Non, je crois pas. Mais bon, je désespère pas d'y arriver un jour. Mais en tous les cas, non, je crois que l'idée, c'était pas de. En fait, l'idée, c'était de faire correspondre. Ma question, c'est qu'est-ce que ça a fait dans le corps? Voilà, c'est ça. En fait, ça n'a pas produit dans le corps immédiatement des choses. Ça m'a surtout permis de trouver des stratégies d'écriture. Parce que pour composer le sac, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un certain nombre d'informations, des documents écrits, des documents oraux. Alors, les documents oraux, je les ai assez vite laissés tomber. Je me suis surtout beaucoup concentrée sur les écrits. Et il me reste des dessins, des choses qui sont, on va dire, des choses qui sont plus visuelles. Donc, tout ce qui est document écrit, ce qui est formidable, c'est que ça fonctionne comme dans toutes les créations. C'est-à-dire que les écrits viennent donner des consignes. Et la question, c'est, les consignes, on les interprète toujours, et à partir de là, on produit. Donc ça, c'est formidable. Par exemple, il y a des articles merveilleux de Jacques Rivière qui dit que le mouvement du sacre, c'est un mouvement qui ne part pas, à qui l'on interdit de chanter sa petite romance, qui revient prendre les ordres à chaque minute. Donc ça, voilà, déjà, on comprend très bien qu'il y a quelque chose comme d'un mouvement contraint, alors que le propre du mouvement, normalement, c'est de donner l'éventuelle possibilité d'une chose perpétuelle, de liberté. Le mouvement, c'est censé être la liberté. Et là, on comprend que la description du mouvement fait que le mouvement de Nijinsky est un mouvement qui est un mouvement qui est contraint. Donc c'est ce mouvement contraint, donc voilà, ça c'est une première information qui va être donnée par tout ce qui est texte. Et là, c'était des textes de Rivière. Après, il y a les dessins de Valentine Hugo. Ces dessins de Valentine Hugo sont assez merveilleux, ils sont immédiatement beaucoup plus presque parlants pour moi en termes d'espace, par exemple. Mais par contre, ils sont privés de toute temporalité. Oui et non, parce que Valentine Hugo est une jeune femme très cultivée, qui connaît très bien la musique, et qui est capable de référer ses dessins, des dessins qu'elle fait des instantanés de la danse, hein, tout d'un coup elle saisit un moment, et elle le met en rapport avec la partition musicale. Donc là, ça veut dire que moi j'arrive à faire rentrer parfois certains dessins, certaines postures, donc puisque ces dessins je les traduis dans le corps comme des espèces de postures immobiles, je les fais rentrer à tel endroit du sacre. Mais J'avais fait un petit compte pour essayer de comprendre sur les 70 occurrences de mouvements auxquels me renvoyaient les nombreux dessins de Valentine Hugo, qui sont très difficiles à dénombrer. J'étais arrivée à un dessin toutes les 4-5 minutes. Donc on ne fait pas une danse, ou alors on fait une danse extrêmement moderne, mais c'est un autre projet, c'est pas un projet de reconstitution, mais on ne fait pas une danse avec seulement un dessin toutes les 4-5 minutes. Donc, comment faire bouger les dessins entre eux? Alors évidemment, la danse sacrale propose beaucoup plus de dessins que toutes les autres parties. Et il y a probablement, parce qu'il n'y a plus qu'un seul danseur, Valentine Hugo a réussi à porter un regard très très efficace. Elle n'a pas eu à se disperser visuellement sur les différents groupes et les différents protagonistes. Ils sont 46 sur le plateau. Donc la danse sacrale a au moins une dizaine de dessins. Alors certes, moi j'en ai compté 14, mais c'est parce que j'ai des comptes personnels, au sens où il y a certaines informations que je considère comme des postures alors qu'elles ne le sont pas tout à fait, que j'ai inventées, des postures supplémentaires, que j'ai décliné, on va dire, certaines postures dans des positions de jambes différentes. Voilà. Donc ça, évidemment, ça fait comme s'il y avait des dessins supplémentaires. Donc on va dire qu'avec 14 dessins en 4 minutes, on peut réussir à faire des choses. Mais comment faire bouger tout ça? Je me suis dit que finalement, on va dire l'archive qui me reste du temps, qui est une des archives les plus, entre guillemets, fiables, les plus tangibles, les plus matériellement présentes, c'est la partition de Stravinsky. Donc la colorer, en fait, c'est essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait en trois temps. Qu'est-ce qu'on fait dans cette dynamique si rapide? Alors, est-ce qu'on saute? Par exemple, on fait un, je prends l'appui, donc pour trouver l'envol. Deux, je saute, je suis en l'air. Trois, je retombe. C'est superbe. Il y a très peu de temps, ça veut dire que le saut devient un saut très nijinskien, qui est proche de la frappe. Et comme on sait qu'à ce moment-là, justement, ils sont là pour frapper le sol, que tout le sacre, c'est un travail de saut qui frappe le sol pour le dégeler, ça va très bien avec mon propos. Donc, éventuellement, je peux imaginer mettre tel dessin en relation avec le 3, la cellule en 3 de Stravinsky. Et je vais faire un peu pareil comme ça avec tout. Le 2, je vais souvent considérer qu'en deux temps, on ne peut pas vraiment faire grand-chose que de rabattre une position. C'est-à-dire de passer d'une position à une autre de manière finalement un peu soudaine et violente. On y arrive et on y reste. Et puis, il y a aussi la possibilité, donc en 4, d'être plutôt dans quelque chose d'un peu délié et continu. Donc certaines postures vont m'inciter à se délier, je vais les travailler comme telles. D'autres postures me semblent, du fait des dessins et des mouvements de cheveux et de robes, être des postures qui tournent. Donc elles vont plutôt se piétiner en 5 temps, et donc je vais les décliner à cet endroit-là. Donc tout d'un coup, ça se met à vivre, ça se met à bouger. Et après, ça devient quoi? Ça devient un travail qui est extrêmement moderne. Qu'est-ce que la modernité? Elle travaille sur la question du montage, que ce soit au cinéma, que ce soit les papiers collés de Matisse, que ce soit, je veux dire, le copier-coller de, justement, du Macintosh, enfin, de n'importe quel ordinateur portable ou ordinateur de bureau, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, couper-coller, c'est véritablement copier, couper-coller, ce sont des opérations qui vont vraiment être fondatrices de la modernité. Et moi, je ne fais pas grand-chose là que de faire un travail de copier-coller, couper, copier-coller. Et de remontage. Et de remontage. Alors moi, j'appelle même pas ça du remontage. Je dis reconstitution au sens où la reconstitution, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a été constitué et qu'il y a à nouveau le re. Oui, c'est-à-dire il y a une remise en jeu. Et puis, je parle aussi de recréation. Alors à un moment donné, je ne parlais que de recréation. Parce qu'il y a une véritable opération d'invention. Il y a une opération d'imagination, une opération d'invention, une opération de contrainte d'écriture par les archives, une opération aussi où je m'astreins, on va dire, à rester au plus près de ce que je lis, de ce qui m'est indiqué par les archives. Et je parlais de recréation. Maintenant, les mots ne me font plus peur. Reconstitution. Alors, ce que j'aime pas, c'est justement le remontage. Mais finalement, en vous entendant parler de remontage, David, ça me va. Je me dis, parce que je sais que vous êtes un homme de radio et que vous montez vos travaux. Donc, je vois bien que ça se dit comme ça. Le remontage, parfois, en danse, c'est un peu poussiéreux. Ça viendrait dire que la danse se démonte et qu'elle reste dans un placard et qu'on la ressort à l'identique en la remontant. Et moi, je pense que ça n'existe pas. Les danses s'oublient et se réinventent. Et d'un autre côté, vous allez chercher un autre compositeur que Stravinsky, qui s'appelle Juan Pablo Carreño, et vous lui faites remanipuler. Ah oui, je fais plutôt déconstruire, justement. Ah oui. Alors oui. Déconstruire. Démonter. Vous lui avez vraiment dit démonter ? Oui. Je lui ai dit, enfin, le pauvre, je crois que je l'ai même un peu effrayé au début, parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, mais moi j'adore cette musique. Et c'est vrai. Ce qui rend encore plus jouissif de la déconstruire. Oui, mais peut-être que pour lui, il avait l'impression qu'il avait comme s'il allait commettre un outrage, peut-être, enfin, un crise de lèse Stravinsky. Surtout que ça s'appelle sacre. Mais... oui, c'est ça. Donc sacrilège. Il y a quand même il y a un sacrilège qui est derrière, évidemment, qui pourrait s'ouvrir derrière ça. Donc. Là, effectivement, ma démarche auprès de Juan Pablo Carreño, que je n'ai pas rencontré par hasard. Je l'ai rencontré grâce à Jean-Luc Plouvier, qui est donc un des membres de l'ensemble Ictus, et avec qui j'avais sympathisé beaucoup. Puis surtout, on avait beaucoup parlé. Et je devais travailler avec Marianne Pousseur, et ça ne s'est pas fait pour des raisons personnelles, liées à sa vie personnelle. Et en fait, je voulais continuer à travailler avec Jean-Luc Plouvier, qui m'a dit, mais écoute, moi, je suis en Belgique, toi, t'es en France, il faut que tu travailles avec des gens qui sont en France, il faut... je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui feraient ça très bien. Et il m'a dit, je pense à Juan Pablo Carreño, rencontre-le et tu verras, discute avec lui. Et on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait le mot trans qui revenait souvent dans son discours, au tout début de nos échanges. Et en fait, il disait qu'il pensait qu'il fallait trouver une musique qui génère la transe des danseurs au plateau. Et je trouvais ça bien parce que le sacre est une affaire de transe. C'est une affaire de tremblement, c'est une affaire de corps, entre guillemets, presque possédé par un mouvement qui finalement s'échappe ou tente de s'échapper et qui n'arrive pas à s'échapper, qui donc se reconduit de manière, on va dire, presque comme des convulsions. Il y a quelque chose de... ou du tremblement. Ou, voilà, donc il y avait cette dimension-là qui m'intéressait beaucoup. Mais moi, j'avais un enjeu qui était important. C'est qu'au départ, dans le Sacre 197, qui a précédé donc la reconstitution historique du Sacre du Printemps, qui s'appelle Sacre 2, il y avait l'idée de faire un travail beaucoup plus poétique à partir des dessins, seulement des dessins de la danse sacrale et seulement sur la musique de la danse sacrale. C'est-à-dire, l'idée, c'était de se rapprocher de ce moment de sacrifice ultime, c'est-à-dire ce moment ultime du sacrifice, plutôt. Et donc, quand j'ai demandé à Juan Pablo, je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement quatre fois la danse sacrale, ou trois ou quatre fois, je ne me souviens plus très bien ce que je lui ai demandé, mais donc, il me l'a proposé trois fois de manière totalement différente. Ce qui fait que les gens ne reconnaissent pas que c'est quatre fois la même chose. Parce qu'il y a une fois où on entend juste la chanteuse qui souffle, qui halète, qui respire, qui énonce le thème, mais de manière tellement fragmentaire qu'on n'entend pas qu'il y a un thème sonore qui est celui, en fait, du basson, de l'introduction musicale. Donc voilà, donc il y avait un travail où, finalement, le sacre se perdait dans ces fragments. Et mon travail, c'était l'inverse. Il fallait qu'à partir des fragments qui nous restaient de la danse, je refasse de la danse. Donc, en fait, on était dans deux opérations inversées. Moi, je demandais à Juan Pablo de déconstruire le sacre pour en garder des choses qui avaient à voir avec ce qui, à mon sens, avait bouleversé aussi les gens qui l'avaient entendu au départ. C'est-à-dire une rudesse, une âpreté, une incohérence, alors que c'est très cohérent et qu'il y a du chant, mais... Et donc, il m'a proposé, enfin, je lui avais demandé de me faire une partition pour voix de femme, et il m'a proposé un soutien électronique, en me disant qu'il pensait que c'était important qu'il y ait aussi cette rudesse de l'électronique. Et en plus de cette commande, je lui ai demandé de rapporter, d'emprunter du matériel sonore chez Debussy, et dans Nos de Stravinsky, puisque pour moi, ces trois œuvres-là sont des œuvres... les trois œuvres musicales donc de Debussy et Stravinsky, que sont L'après-midi d'un faune, Je, Le sacre du printemps et Nos, sont des œuvres sur lesquelles ont travaillé Nijinsky et sa sœur Nijinska. Et ce sont des œuvres, on va dire, très emblématiques pour ces deux chorégraphes-là, qui s'autocitent mutuellement. C'est-à-dire que lui, Nijinsky, travaille sur sa sœur comme si elle était une glaise à partir de laquelle il va sculpter son sacre. Et elle, quand elle va faire Nos dans les années en 20, 21, 22 ou 23, elle va être dans le même projet, c'est-à-dire elle va dire « Je rends hommage à mon frère, c'est mon sacre ». Et elle pense, et c'est Stravinsky, et c'est Nos. Et effectivement, il s'agit bien de sacrifier une jeune femme, mais cette fois-ci pour un mariage. Mais en fait, ça revient au même. Hein ? on n'a jamais la globalité de la partition, donc c'est toujours une lecture, je dirais pas note à note, mais par petits bouts. Jusqu'à midi, dans Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit la chorégraphe Dominique Brun, la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Oh, Nous sommes passés de prélude à l'après-midi d'un faune en début d'émission jusqu'à noces en passant par le sacre du printemps. Dominique Brun, il y a quand même un chaînon manquant dans cette suite qui est un poème dansé de Claude Debussy qui s'appelle « Jeu » et sur lequel vous travaillez maintenant justement parce qu'il est la jonction pour Nijinsky entre le prélude et le sacre. Absolument. Alors « Jeu », c'est un traitement particulier. Alors voilà, j'ai annoncé deux fois et j'ai dit je, et donc je parlais de moi. donc je, c'est ce moment où je pense que surgit, alors c'est une interprétation évidemment, pour Nijinsky la question de sa place entre le danseur et le chorégraphe. Une place à la fois extrêmement intime et en même temps une place, on va dire, presque professionnelle. Enfin, ce sont des enjeux. Où est-il finalement dans ce champ chorégraphique ? Est-ce qu'il est encore le danseur ? D'ailleurs, il danse dans le jeu, alors qu'il ne danse ni dans le sacre, ni dans l'après-midi d'un faune. Ce qui est quand même très singulier. Il danse dans l'après-midi d'un faune, il danse dans le jeu et il ne dansera pas, dans le sacre du printemps. Donc, en fait, il fait vraiment un passage par la danse, dans ses chorégraphies, jusqu'à laisser tomber, en fait, sa présence sur le plateau. Mais en même temps, il n'a pas écrit beaucoup plus que 4 œuvres. Sa dernière pièce, Till l'espiègle, il la fera donc en 1916, et celle-là, on n'y accède que très peu, encore moins que Jeu. Alors, Jeu, c'est particulier, ça a été un peu éclipsé en termes historiques entre l'après-midi d'un faune et le sacre du printemps, puisque Jeu a été conçu en même temps que le sacre et va être présenté 15 jours avant le sacre du printemps. Donc au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 15 mai 1913, alors que le sacre va être présenté le 29 mai 1913. Donc le travail que j'entreprends sur Jeu est un travail qui n'est ni véritablement de la reconstitution, ni complètement de l'invention. L'idée, c'est de faire comme un triptyque, mais un retable, avec toujours l'appui des dessins, de Valentine Gros-Hugo, cette jeune artiste qui donc a fait les dessins du Sacre du Printemps et qui a aussi dessiné Nijinsky dansant dans l'après-midi d'un faune. Et elle nous laisse 7 pastels de jeu où on voit donc les 3 protagonistes aux prises avec certaines situations toujours très graphiques, hein, sur un fond vert tonitruant. En tous les cas... L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher la reconstitution, mais plutôt de travailler à partir de ces dessins et de les traiter de petits paysages aveugles. je vais faire 3 études pour 7 petits paysages aveugles. Parce qu'il y reste 7 dessins et que ces 7 dessins à la fois nous renseignent sur des instantanés de mouvement, des instantanés de situation entre ces 3 personnages, et en même temps, finalement, ils nous apprennent que peu de choses. C'est pour ça que ça me faisait vraiment penser au mur aveugle, ce qu'on appelle un mur aveugle. C'est quand même drôle, c'est un mur qui ne comporte pas d'ouverture, ou plutôt une ouverture qui souvent a été bouchée. Donc ça, je trouvais ça intéressant de fantasmer sur ce qui avait pu être bouché. Et ce projet va se travailler en 3 temps. Il y a un temps qui va être présenté à la Philharmonie en octobre, sur lequel nous allons collaborer tous les deux. Et donc, ce retable se construit sur un temps central que je voudrais plus maniériste presque que Nijinsky. C'est-à-dire le travail nijinskien est un travail de détail, un travail d'inflexion, de toutes les différentes extrémités du corps, de toutes les parties du corps. Mais on peut lire particulièrement un engagement des doigts, des poignets, des mains, de la tête, des épaules, des genoux, des pieds. Enfin, il y a vraiment et des bras, bien sûr. Le buste est mis à contribution. Mais voilà, il y a vraiment c'est un espèce de dieu hindou, effectivement, comme le dirait Debussy, qui fait la pieuvre avec ses bras et il les fait toujours de manière anguleuse. Et donc l'idée, c'est de travailler à ça, mais aussi donc à tous ces petits détails qui viennent marquer l'univers de Nijinsky sur la musique de Debussy, mais en allant aussi vers ce que Nijinsky revendique, qui est de rendre hommage au mouvement par l'immobilité des corps. Et donc de chercher, en tous les cas, dans la partie centrale de ces trois, dans les trois volets, donc la partie centrale de ce retable sur lequel les deux autres pourraient se replier, de chercher véritablement une danse, un plein champ de l'immobilité. Donc ça, voilà, ça c'est un des fers de lance de cette composition. Il y a les deux autres volets qui sont censés se replier à la manière d'un retable sur celui du milieu, sont beaucoup plus en distance finalement avec l'écriture de Nijinsky, mais m'ont été en quelque sorte comme dictées aussi par la rencontre de ces pièces précédentes. Je pense notamment à la question du chaos qui est très présente dans le sacre. Le sacre, c'est une foule qui se déplace sur un plateau, par groupe, par banc, mais qui passe de groupe à foule. C'est-à-dire qu'il peut avoir quelque chose de totalement désorganisé pour tout d'un coup se réorganiser de manière absolue, par couleur, par genre, dans des coins extrêmement précis, et par motif, éventuellement corporel, motif de mouvement. Donc ça m'a passionnée de travailler sur le chaos et son organisation, parce que pour que ce soit vraiment chaotique avec 30 danseurs, il m'a fallu véritablement organiser le chaos. Et plus il était organisé, plus c'était chaotique visuellement. Mais c'est une danse qui reste dans le sacre du printemps, dans cette reconstitution, c'est une danse qui reste quand même extrêmement inscrite et dessinée. Or là, ce que j'ai tout d'un coup eu envie, c'est aussi d'aller comprendre qu'est-ce que ce serait que l'informe dans le mouvement, dans les corps. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas le corps en mouvement, qu'on n'arrive pas à s'accrocher véritablement à un endroit précis du corps du danseur, reconnaître son bras, reconnaître sa jambe, et qu'on perde finalement quelque chose d'une arborescence du corps. Et en même temps, que de ce chaos, de cette espèce de corps déformé, surgissent les dessins de Valentine Hugo comme des leitmotifs qui vont en fait parcourir les trois études. La dernière étude, elle, repose sur la question de la mémoire. La question qui m'a tout de suite vraiment interpellée quand j'ai regardé ces pastels, je me suis dit, mais pourquoi elle a noté tel moment plutôt que tel autre ? Alors je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se sont imposées à elle parce qu'ils étaient très composés, que probablement le temps se déliait à ce moment-là pour que ça se mette en place, et elle avait le temps de voir, de repérer et de noter. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des pastels qui sont très construits, très imbriqués, où on voit une main d'une danseuse qui entoure le visage du danseur, qui se croise avec la main de l'autre danseuse, qui se croise aussi autour. Alors ça ressemble un peu à une sculpture de Rodin, avec les deux mains qui enlacent le visage. Donc tout ça est très graphique, et en même temps, ils sont très très bien positionnés dans l'espace, et Valentine Hugo le rend absolument bien. Mais au-delà de la question qui est relative à Valentine Hugo et à pourquoi ça saisit, je me suis dit que dans chacun de nous, dans sa constitution narcissique, il y avait aussi des zones d'impression, d'empreintes, des traces, des événements qui véritablement s'engramment dans nos mémoires et qui sont à la limite du surréalisme, c'est-à-dire qui nous parviennent de manière très très décousue, heurtée, qui tout d'un coup refont surface alors qu'on ne s'y attendait pas, ou au contraire restent enfouis pendant très longtemps pour ne pas refaire surface, et il y a quand même toujours quelque chose qui se manifeste et qui nous renvoie à cette chose dont on ne sait plus très bien ce qu'elle est. Et en fait, cette question de la mémoire est évidemment au travail de mes projets depuis le Quatuor Knust, mais depuis fort longtemps. Et je voulais vraiment me poser la question dans ce dernier tableau de ma place comme auteur au sein de l'œuvre de Nijinsky, mais aussi de la place finalement des interprètes au sein du travail de l'écriture. Et donc leur laisser une place où ils puissent dire « je », où il y ait quelque chose qui se traduise sur le mode de la singularité de chacun. Et puis la dernière chose qui s'ajoute à ce tableau-là, c'est un travail qui en fait se décline musicalement, c'est-à-dire il y a le volet central, celui qui est maniériste, va utiliser la musique de Debussy presque, on va dire, à l'endroit où elle est glorieuse et manifeste et où elle est jouée, donc de manière finalement assez traditionnelle, routinière. Mais par contre, le premier et le dernier volet sur lequel nous allons collaborer va faire l'objet justement d'un travail qui est un travail, on va dire presque de composition, qui pourrait être de l'ordre de la composition sonore ou de l'opéra parlé. Enfin ça, David, vous en parleriez beaucoup mieux que moi. Peut-être une autre fois. En attendant, on peut regarder la partition, voilà. Et y trouver des choses étranges pour l'époque, à savoir une espèce de scénario plus ou moins chorégraphique de la part de Debussy. Par exemple, on lit au-dessus des portées, là où habituellement on met allegro ou bien joué doucement, des fragments de narration. Par exemple, le jeune homme a suivi cette dernière danse par curiosité d'abord, y prenant ensuite un intérêt particulier, il abandonne bientôt la première jeune fille, ne pouvant résister au désir de danser avec l'autre. Alors, il est question de choses qui se dansent, mais du point de vue d'une intériorité qui, elle, pas spécialement d'office chorégraphique. Et ce qu'on peut remarquer aussi dans la partition, c'est que c'est une manière de raconter une histoire qui peut faire penser au panneau narratif qu'on peut trouver dans la musique de film qui commence tout juste dans ces années-là, mais qui a une implication sur la manière d'écrire la musique et qui, justement, vient mettre la musique en position de montage, à coller des bouts de musique hétérogènes pour coller aux images et aux séquences que le film a pu prévoir. Donc on a une juxtaposition de genre qui va pouvoir se mettre en place comme ça, mais qui va amplifier ce que peut dire une narration, amplifier ce que peut dire la musique par des moyens qui ne sont pas ceux de son art. Ce qu'on s'était dit, c'est une espèce de crête qui finalement servent. Ils peuvent à la fois, les mots peuvent servir la danse et ils peuvent aussi servir la musique. Et en fait, ils sont probablement la seule trace réellement historique qui pourrait faire le lien entre musique et danse. Et c'est ça aussi qui nous a intéressés, c'est cette couche supplémentaire poétique, didascalique, qu'apportent les mots qui viennent nous renseigner sur des choses qui sont à la fois très factuelles et en même temps très sensuelles. Or, je est une étude sur la sensualité. Il y a même un article d'un monsieur de Lustrac qui nous raconte que peut-être que je, c'est davantage finalement le faune que le faune. C'est-à-dire qu'il y lit une opération d'un faune avec deux nymphes, comme dans le poème justement de Mallarmé. C'est-à-dire qu'il y a une réelle situation érotique, une invitation à l'érotisme qui se fait, et peut-être moins au sport, comme ça a été longtemps imaginé, revendiqué, parce que les protagonistes portent des costumes de sport. Mais finalement, leur sport, c'est un sport beaucoup plus intimiste. Et voilà. C'est des athlètes du sentiment. C'est des athlètes du sentiment. Merci David. Merci Dominique. Thank you.